Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. La jungle des luttes, voilà, programme proposé comme tous les troisièmes lundis du mois sur FPP, programme donc proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc comité de solidarité, comité de Chiapas souvent, on parle de comité de Chiapas, on parle aussi de comité zapatiste puisqu'on est effectivement né depuis le soulèvement des zapatistes un an après, donc en 1995 le comité s'est créé. Depuis on se réunit dans le local de la CNT, donc au métro Avron, le mercredi soir à 20h30 et donc depuis quelques années c'est le premier, troisième et cinquième mercredi du mois. À 20h30, c'est une assemblée ouverte, vous pouvez nous y rejoindre, on y parle des luttes, d'où ce programme, la jungle des luttes. Voilà, l'idée c'est un peu de croiser les luttes, puisqu'on a en général, il y en a plein des luttes, mais celles qui nous rassemblent un grand nombre, c'est quand même celles qui sont en lien avec les grands projets, le capitalisme, l'oppression des États, des pouvoirs, du patriarcat et de tout, de tout ce qui nous oppresse, qu'on soit homme, femme ou enfant, et également immigrés aussi, qui souvent sont les sujets premiers de la discrimination et des violences policières. Donc c'est des thématiques qu'on a souvent ici dans notre programme. Aujourd'hui, donc, mois de juin, avant l'été, donc il ne nous restera plus beaucoup d'émissions. On essaiera pour une fois de réussir à proposer un programme en août. Hein. Ça, on essaie de se le mettre dans les tablettes quand même pour ne pas faire une rediff. Mais donc voilà, du coup, on sera encore ensemble en direct au mois de juillet. Et ensuite, au mois d'août, on essaiera de vous préparer une petite émission. Et aujourd'hui, donc, on est toujours sur des luttes, comme on a dit, avec des projets inutiles, ça arrive souvent. Donc, on aura une copine qui participe au collectif Gonesse, on peut dire Gonesse, comme on dit, comité de Chiapas, etc. Voilà, ça fait partie de ces grands projets inutiles dont on a parlé souvent autour du Grand Paris. On parle de Saclay, on parle de Gonesse et tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, on parlera plus précisément de Gonesse. On a également, et on va commencer par ça, l'interview d'un artiste, Alfredo López Casanova, qui a eu une expo récemment et qui a vraiment une grande puissance de réaction quant à la violence de manière générale opérée par les pouvoirs et la police. Donc il y a eu un interview qui a été fait, une expo qui a été montée donc récemment ici. Et donc, on va commencer avec ça. Et on parlera aussi en fin d'émission d'autres projets qu'ont EDF, hein, une grande entreprise qui se répand dans le monde entier et qui, dont on a eu l'occasion d'en parler, avait un projet de parc éolien dans le sud-ouest mexicain. Et donc, on a eu l'occasion d'en parler. Il y avait eu une campagne Stop EDF qui avait été organisée. Et donc, il y a eu des bonnes nouvelles entre-temps. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler avec une copine qui fait partie du collectif Stop EDF. Donc, on vous rappelle que le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on se réunit, donc je l'ai dit, premier, troisième et cinquième mercredi du mois, qu'on a notre programme de radio, donc toutes les troisièmes lundis du mois en direct à 19h jusqu'à 20h30 et on est retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Merci aux copines pour la technique. On va faire une petite pause musicale et on retrouvera ensuite Alfredo López Casanova pour son expo et son témoignage. Merci à vous. Musique. Thank you. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja. Con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas. Se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Deluxe 106.3, programme proposé donc par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est ensemble jusqu'à 20h30. Merci à FPP de nous accueillir, radio associative. N'oubliez pas de la soutenir, c'est la galère pour toutes les associations et pour la radio en l'occurrence. Les médias qui ont un espace comme ça de liberté, il faut le préserver. Donc, bah, merci à FPP et n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez moyen de soutenir cette radio. Il y a besoin de sous et puis de gens autour. Et je sais que, bah, voilà, on sait que FPP organise régulièrement des espaces où on peut rencontrer, discuter, solidariser à travers des brocantes, des repas, etc., etc., des petits concerts. Donc, bah, voilà, merci à FPP et merci donc à toutes les personnes aujourd'hui qui vont être là, et donc notamment notre copine du CPA qui va justement introduire l'interview de Alfredo López Casanova à l'occasion de son exposition Un artiste rebelle. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Donc, on va vous présenter ce soir une exposition qui a eu lieu, une interview avec Alfredo López Casanova, un sculpteur mexicain très engagé, qui a présenté une exposition à Paris et fin mai qui s'appelle Graver, c'est résister. Et l'exposition, elle a été pensée comme un hommage à Rini Templeton, que c'est une artiste aussi et états-unienne qui est décédée aux années fin années 80, et qui était très engagée et qui faisait pas mal d'œuvres qu'elle donnait aux mouvements sociaux aux États-Unis pour qu'ils puissent les reproduire sur des formes de t-shirts, bannières, ce qui fait Alfredo à son tour, dont l'exposition Graver et résister s'est présentée fin mai donc à Paris, à Montreuil, à l'ARI. Et après avoir été présentée à Barcelone et une semaine auparavant, et normalement elle va être présentée aussi à Marseille. Et lors de l'exposition, on a fait aussi une projection. On vous donne un peu de contexte pour comprendre des choses dont on parle dans l'entretien. On a fait une projection d'un film de Joachim Gatti, un film qui vient de sortir, et qui s'appelle Huellas de la Memoria, Traces de la Mémoire, et qui revient sur une autre expo qu'Alfredo López Casanova avait fait à Paris en 2017. Et Huellas de la Memoria, c'est maintenant un collectif et un projet, Traces de la Mémoire donc, et c'est vraiment un projet de mémoire, de visibilité et des personnes disparues au Mexique. Alfredo, il explique tout ce qui se passe au Mexique par rapport à la violence d'État et notamment aux disparitions forcées. Et l'exposition qu'il a présentée, Graver et résister, donc c'était composé par une quarantaine de gravures et qui reviennent sur plusieurs années de lutte mexicaine. Et donc voilà, on va vous laisser l'entretien avec Alfredo. C'est en deux parties. L'entretien, il a été réalisé après l'exposition, le vernissage de l'exposition, avec des gens du CESPCL, le comité de solidarité avec les peuples de Chiapas en lutte, et aussi avec des camarades du CSIA. Et bon, voilà, on va écouter Alfredo, une première partie. Merci beaucoup, Alfredo, d'être avec nous à Paris et ici ce soir. On a été très honorés de voir ton exposition. Et donc, on voulait profiter un peu de ta présence avec nous pour te demander déjà comment le projet était né. Les prémices un peu de ce projet, puisque nous, on avait découvert la Sueras de la Memoria il y a 5 ans. Et c'est vrai qu'on aurait voulu savoir un peu comment tout ça était né de ton côté. Bueno, el grabar resistir es una exposición que recupera. Graver c'est résister est une exposition qui revient sur 18 ans de travail. Cela signifie que bon nombre des gravures qui se trouvent ici sont antérieures à l'exposition Traces de la Mémoire, Huellas de la Memoria. Par exemple, la gravure qui porte sur la lutte pour la libération des prisonniers d'Atenco date de 2006. Soit presque 10 ans avant Traces de la Mémoire. 8 ans exactement. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de rassembler toutes les plaques éparpillées des gravures et de faire une réimpression. Parce que beaucoup des gravures que j'ai faites n'ont pas beaucoup circulé sur les réseaux ou sur le web, vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de diffusion. Et aussi, parce que pour beaucoup des gravures, celles du début, je les ai faites et imprimées sous forme physique et je les ai données au mouvement pour qu'ils puissent produire des affiches, des flyers, et en les accompagnant des informations nécessaires pour diffuser leur lutte. Donc, dans une certaine mesure, certaines gravures sont inédites parce que la plaque a été rangée quelque part. Alors, l'année dernière, sous prétexte de l'inauguration d'un café à Mexico appelé La Resistencia, j'ai rassemblé toutes les plaques et j'ai finalement fait une impression de toutes ces gravures. Et c'est comme un bilan qui parle des différentes époques, des différentes luttes. Et il est très perceptible qu'en 2006, on parlait encore des prisonniers politiques, mais on ne parlait pas beaucoup des disparus. On commence à parler des personnes disparues après les décisions prises par le gouvernement fédéral dit imposé, qui est arrivé après une fraude électorale, le gouvernement de Felipe Calderón, qui a envoyé l'armée dans les rues et déclenché le désastre dans le pays. Et pour nous, les habitants du pays, ça a été un cauchemar et un malheur. Je remarque très bien comment dans mes gravures, on voit apparaître l'exigence de retrouver les disparus vivants, mais aussi d'une certaine manière, la lutte contre l'insécurité et la violence dans le pays. La lucha contra la violencia en el país, la inseguridad y la violencia. Et justement, du coup, je me demandais, à travers la gravure, finalement, comment tu articules les liens qu'il peut y avoir entre les luttes et l'art, la résistance et l'art ? Je me demandais un peu finalement comment... est-ce que tu te considères plus artiste ou militant ou l'un et l'autre ou les deux, bien sûr, enfin... Ok. Qué bueno que me lo dice, pero por primera vez yo me siento a gusto con estas preguntas acá, en tanto en Barcelona como en París. C'est bien de me le dire. Porque, pour la première fois, je me sens à l'aise avec ces questions, ici à Barcelone comme à Paris, car au Mexique, on parle beaucoup des artivistes. Et je n'aime pas le terme artiviste, et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un terme qui est galvaudé, et qu'un artiviste peut être de droite. C'est très ambigu. Et militant, c'est plus clair et plus précis. Le terme militant vous définit totalement dans ce que vous allez faire, dans la lutte et l'engagement constant et permanent. J'ai d'ailleurs d'abord été un militant, ou plutôt, j'ai toujours été un militant depuis l'âge de 13 ou 14 ans, en raison des conditions dans lesquelles je vivais. J'ai vécu dans une zone au sud de Guadalajara, où se trouvaient des quartiers qui devaient se battre pour obtenir des services, égouts, eau, électricité. Et naturellement, il était important pour toutes les familles de s'organiser afin d'avoir une vie digne. C'était le mot d'ordre, lutter pour une vie digne. Ainsi, j'ai toujours été impliqué dans des activités politiques, de différentes manières et à des moments divers. Puis, j'ai fait des études d'art plastique. Et ce que je fais en fait, c'est utiliser les outils offert par les arts, pour continuer à militer en contribuant, disons, de manière qualitative à partir de ce que je peux faire. Comme dans les organisations dans lesquelles j'ai participé ou milité, ils m'ont toujours vu dessiner. Depuis que je suis enfant ou adolescent, alors ils disaient « va à la presse, à la propagande ». Pourquoi ? Parce qu'il sait le faire. Ainsi, comme j'aimais bien dessiner, il a été très facile pour moi de répondre aux demandes et de m'engager sérieusement. Nous faisions des tracts, des bulletins d'information avec un miméographe. Vous vous souvenez probablement de l'utilisation du miméographe. Il y avait l'article et il me laissait l'espace pour le dessin. Et je dessinais sur le stencil. Et je copiais même souvent les illustrations de Rini. Je n'aimais pas en faire des photocopies. Parce qu'en plus, avec le stencil mécanique, on doit dessiner. Ce n'est qu'avec l'apparition du stencil électronique qu'il était possible de découper la photocopie, de la brûler, copier, et de l'enregistrer. J'ai donc tellement copié Rini Templeton que lorsque je dessine, le trait, la proximité du langage plastique de Rini Templeton apparaît toujours. Ce qui ne me dérange pas dans tous les cas, c'est un hommage permanent. Il existe aujourd'hui une sorte de mode de l'artiste militant ou de l'artiste activiste qui voit dans le militantisme la possibilité de réaliser des œuvres d'art. Cela m'agace un peu car il s'agit d'une sorte d'exploitation quelque peu cachée. Et je dis non, je dis que mon travail a toujours été là, depuis le milieu des années 80 jusqu'à maintenant, de manière naturelle. C'est-à-dire qu'en 1987-1988, j'ai rencontré les mères qui se battent pour leurs disparus, qui étaient de jeunes disparus, qui se sont engagés dans la lutte pour un meilleur pays par des moyens disons, politico-militaires. C'est-à-dire qu'ils sont les disparus politiques des années 70 et 1980. J'ai donc pris contact avec les familles des Eureka. Ensuite, il y a eu toute cette escalade de la violence et de nombreuses familles sont apparues, disons au cours d'une deuxième et une troisième époque, mais je les ai toujours accompagnées. Dans une certaine mesure, il est naturel pour moi de faire ce que je fais. Le contexte du pays y est pour beaucoup. C'est-à-dire que je suis un sculpteur et que tout ce qui se trouve ici, les gravures, je les ai faites sans y associer ma production personnelle pour des raisons éthiques. Je ne veux pas mélanger le sculpteur, l'artiste, entre guillemets, et le fait que je sois engagé dans tout ceci. En fait, beaucoup de gens ne connaissent pas mon travail artistique. Je ne voulais pas mélanger les choses. C'est peut-être trop de pudeur, mais ça me rassure que ce soit ainsi. D'autres le font, mais ma position est que mon travail militant doit se refléter, comme il l'a toujours fait, de manière naturelle. Mon travail professionnel suit un chemin parallèle, mais j'utilise les compétences, oui, de quelqu'un qui a été formé dans une école d'art, pour apporter une contribution plus qualitative. La gravure est donc un outil. Pour répondre, j'ai toujours été militant. Ce n'est pas que le sculpteur soit soudainement devenu quelqu'un qui accompagne la lutte. Au contraire, je les ai toujours accompagnés, et plutôt, l'école d'art a croisé mon chemin. Et à l'inverse, ça m'a traversé l'école d'art et je l'ai agarré, non? Et ça passe. Que salga tu luna, que salga tu sol, que salgan las nubes, que salga el amor. Que salga un cometa, que brote un volcán, que se abra una grieta, que salga la verdad. Que salgan los presos políticos, libertad. Que salga la casta, que salga el jaguar, que salga los niños cantando a jugar. Que salga la rabia, la gran tempestad, que salga la gente por su dignidad. Que salgan los presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Que salgan las aguas, que salga el maíz, que salga el coraje, memoria y raíz. Que salgan las flores, que salgan las aves, que salgan los duendes, brujas, chamanes. Que salgan los viejos, los padres, las madres. Que salgan aquellos que ahora no están. Que salgan los presos políticos, libertad. Libertad, libertad, libertad. Point 3, la jungle des luttes. On continue avec l'entretien fait avec cet artiste rebelle et résistant qui a eu lieu sur Montreuil suite à l'exposition qui a eu lieu à la Herri dernièrement, fin mai. Donc l'entretien avec Alfredo López Casanova. On y va. Du coup, je repense à la petite vidéo qu'on voyait défiler pendant l'exposition tout à l'heure, et on voit beaucoup de femmes mexicaines avec justement les petites sérigraphies avec tes œuvres, ou en tout cas tes œuvres. Et je me dis comment finalement, quelle est la place des femmes, bah après c'est peut-être lié à l'histoire aussi, mais la place des femmes dans les luttes que tu diffuses au travers de tes réalisations. El lugar de ellas está allí, más bien ellas me hacen a mí un espacio pequeño para leur placer là. Au contraire, elles créent un petit espace pour que je puisse les accompagner. En d'autres termes, la place des femmes est dans la rue, à la recherche de leurs enfants. Ce qui se passe au Mexique, c'est que, à de rares exceptions près, lorsqu'une disparition se produit, la famille prend une décision. La famille est déchirée, la famille est éclatée. Et en l'absence d'un membre de la famille, des décisions sont prises. La décision est presque toujours que le père continuera à travailler pour subvenir aux besoins de la famille et que la mère se consacrera et se concentrera sur la recherche de l'enfant. C'est pourquoi vous verrez dans la vidéo, celle-ci et dans beaucoup d'autres, plus de femmes qui recherchent les disparus que de pères, mais le fait est que quelqu'un doit continuer à travailler pour entretenir et soutenir économiquement la famille. Dans certains cas où cela est possible, les pères et les mères marchent ensemble, comme dans le cas d'Ayotzinapa. Le rôle des femmes dans le cas des proches des disparus est fondamental, car ce sont elles qui sortent, enquêtent, reconstruisent toute l'histoire de la disparition, font des documents pour les remettre au procureur, ce sont elles qui font même des manuels pour dire à une autre personne ce qu'elle doit faire dans les 72 premières heures. C'est-à-dire que les familles, les femmes en grande partie, mais les familles en général, ont fait plus pour rechercher les disparus que l'État. Il y a même eu des cas où les familles, les femmes, livrent les responsables de la disparition de leurs enfants, font toute l'enquête et disent « c'était eux ». Et l'État, le parquet, la police, ou quiconque a la responsabilité de les arrêter, ne le fait pas. Donc maintenant, la situation actuelle au Mexique est que les familles ont dû aller sur le terrain pour chercher, et gratter la terre avec leurs mains pour chercher et trouver leurs proches. Et elles ont trouvé des corps, des fouilles positives. Et puis il y a aussi la recherche en vie, qui est l'idée de chercher dans d'autres types de lieux où les disparus peuvent être trouvés. On présume, où il existe de nombreux indices, que de nombreuses femmes sont victimes de disparitions pour un vaste réseau de prostitution. Il y a donc beaucoup de mères qui se rendent dans ces endroits, dans des endroits du nord du pays, à la recherche de sites de prostitution. Il y a d'autres cas où des jeunes gens disparaissent pour être réduits en esclavage sur des chantiers de construction, comme des ingénieurs et des médecins. Et c'est un espoir, il y a des indices de ce genre, et les familles s'accrochent beaucoup à l'espoir qu'offre la recherche en vie. La recherche sur le terrain et la recherche en vie sont toutes deux des réalités permanentes. Vous allez voir beaucoup plus de femmes dans la lutte pour la recherche des disparus, dans les rues, à cause de ce type d'accord que je vous ai dit. Généralement, l'homme doit continuer à travailler pour maintenir économiquement la famille, et c'est pourquoi vous voyez plus de femmes, bien qu'il y ait des cas où il y a aussi des hommes. Et ils les accompagnent le week-end lorsqu'elles vont faire des recherches sur le terrain. Ce que vous voyez dans la vidéo, c'est la première période de la pandémie, avril 2020, lorsqu'il a été décidé qu'en raison de la pandémie, il n'y aurait pas de marche le 10 mai. Et alors nous, dans le collectif Traces de la mémoire, nous nous sommes réunis et avons dit que pouvons-nous faire? Nous n'allons pas sortir non plus, personne ne va sortir. Alors avec les familles, nous avons dit faisons une campagne de sensibilisation. Donc c'est pour cela que nous avons fait les masques, mais avec la demande de présentation en vie des disparus pour dénoncer la disparition. Et cela s'est fait dans le Zócalo, la place principale de Mexico, lors d'une grève, car elles exigeaient la démission de la directrice d'une institution clé appelée la CEAV, la Commission d'attention aux victimes. Et elles ont réussi à la faire renvoyer. Et nous, avec la presse à graver, nous leur avons expliqué comment faire la gravure et elles étaient enthousiastes. Dans cette vidéo, vous les voyez faire cela. Bon, désolé, c'est beaucoup de blabla, mais j'espère que ça répond aux questions. Cantinfleo mucho, pero esas son las respuestas. Donc en fait, dans l'exposition aussi, on peut voir cette gravure de la statue de Christophe Colomb qui est en train de tomber. C'est vrai que l'art et la sculpture a pu être un outil de la colonisation pour démontrer sa grandeur. Et ces statues sont en train de tomber. Et est-ce qu'Alfredo peut nous parler justement de cet opposé de la reprise de ces espaces. Au Mexique, depuis environ 6 ou 7 ans, probablement plus, probablement 10, on assiste à une sorte de, comment dire, d'appropriation des sites pour leur donner une nouvelle signification. En 2012, l'une des premières reprises de sites a été celle de Javier Sicilia, du Mouvement pour la Paix, devant un lieu appelé Estela de la Luz. Il a repris le site pour y apposer des plaques. Et dans différentes régions du pays, on commence à avoir besoin de rendre les choses visibles d'une autre manière. Parce que la manière traditionnelle est de faire des marches, de porter des banderoles, mais la marche se termine et les gens rangent leurs banderoles et partent. C'est un acte éphémère. Et dans la mesure où le pays se détériore, il y a une sorte d'angoisse de la part des mouvements qui sont impliqués dans ces questions, non seulement pour remettre en question l'État, mais aussi pour remettre en question la société, la population qui ne regarde pas ce qui se passe. Il faut donc placer en permanence devant elle des objets qui parlent et qui durent plus longtemps. C'est l'idée avec les plaques, l'idée des familles de Monterrey, avec Leti Hidalgo, qui ont pris un endroit qui était une place dédiée aux toreros et l'ont transformé en un lieu de mémoire, qui est la place des disparus. Plus tard, à Guadalajara, lorsque 3 jeunes étudiants en cinéma ont été portés disparus, il y a eu une mobilisation des étudiants d'un centre d'études cinématographiques, le CAAV. Et il y a un rond-point qui était dédié aux enfants héros, et nous pourrions parler du sujet des enfants héros plus tard. Mais le fait est qu'il y a tellement de rage au sujet de la disparition des 3 jeunes que les gens viennent sur cette place et commencent à peindre et coller et nommer cet endroit le rond-point des disparus. C'est ainsi que ça a commencé dans tout le pays. À Coahuila, c'est pas comme ça qu'on dit. Coupe, coupe. Bon, donc là, il faut faire une coupe. Hein. Après, cela commence dans tout le pays. Point, coupe. Jusqu'à ici, point, maintenant, coupe. À Coahuila, par exemple, ils ne prennent pas les sites, mais ils adoptent les arbres, tant à Coahuila qu'à Saltillo. À Torreón et à Coahuila, ils les appellent les arbres de la mémoire et de l'espoir, et ils y accrochent les photos de leurs proches. Et beaucoup de choses commencent à apparaître. Dans le cas du rond-point de Christophe Colomb, certaines personnes veulent le déboulonner depuis longtemps, la statue. Je pense que la première tentative de la faire tomber a eu lieu en 1992, à l'occasion du 500e anniversaire de ce qu'ils appellent la conquête, mais que nous appelons autrement. Il y a donc eu une tentative, et c'est documenté que l'on a essayé de faire tomber la sculpture avec des cordes, mais bon, c'était une très grande statue, faite de bronze, très très lourde. Et il y a 2 ans, nous nous sommes organisés pour faire une campagne symbolique, presque comme une blague. C'est-à-dire que nous avons dit, ils la font tomber aux États-Unis, ils la font tomber ailleurs, nous devons menacer nous aussi de la faire tomber. Nous pensions que rien n'allait se passer, mais nous avons divulgué la campagne aux médias formels et informels, hein, La Jornada, Proceso, et les médias libres, et notre idée a commencé à prendre de l'ampleur. Nous pensons que le gouvernement local a pris peur, et un jour ils l'ont enlevé. Ce qui est intéressant, c'est le remplacement d'un espace vide, car ils ont laissé le piédestal qui a été investi par un autre symbole très important. Les femmes, les collectifs féministes, se sont organisés et ont mis une femme là, la silhouette d'une femme. Si vous faites quelques recherches, vous trouverez de nombreuses informations. Il est très intéressant de voir comment un espace qui était destiné pendant de nombreuses années à un personnage, avec le temps, le personnage, il y a des moments où cela n'a plus de sens. Mais il y a aussi une atmosphère de grande violence et une augmentation des féminicides. Et les femmes parviennent à s'approprier le site et à le renommer comme le rond-point des femmes en lutte. Et récemment, le collectif des mères a repris un autre site, qui était un rond-point où un palmier avait séché. C'était la Glorieta de la Palma, le rond-point du palmier. Le palmier avait vécu 100 ans, et à Mexico, il n'y avait pas de rond-point pour les disparus. Il y en avait un déjà dans le Jalisco, à Monterrey, à Veracruz. Et avant la marche nationale, les familles se sont organisées et ont pris possession du site le 8 mai 2022. Car le 10, la marche allait avoir lieu et elles allaient ensuite ratifier l'occupation. Le gouvernement a démonté tout ce que les familles avaient mis en place avec une insensibilité bien brutale. Les familles sont revenues le lendemain pour reprendre le rond-point et avec une gestion médiatique qui rend un peu inévitable l'absence de réaction. Très en colère, la chef du gouvernement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait mettre des panneaux métalliques tout autour du rond-point pour en empêcher l'accès. Au Mexique, il y a des panneaux métalliques qui sont utilisés pour tout bloquer et fermer. Mais tout est exploitable pour les familles. Si on met des panneaux métalliques, elles y collent des photos. Si on laisse un espace vide, elles le prennent. Il y a donc une sorte de confrontation, dans le sens où la réalité impose ce qu'il faut faire dans le pays, d'une part, pour remettre en cause l'inefficacité de l'État, mais d'autre part, plus inquiétant pour moi, c'est que la société civile, la population, qui est celle qui peut arrêter la guerre, ne l'arrête pas, elle ne voit rien. C'est pourquoi une grande partie des actions de visibilité vise à remettre en question le manque d'intérêt, le manque d'engagement de la population face à ce problème très grave. C'est donc à cela que répond l'occupation d'espace. Entonces, a eso responde la toma de los espacios, ¿no? C'est bête, sans doute, mais dans l'exposition, j'ai remarqué quelques gravures à côté de. Comme les chats, une chaise, tu vois, Et je me dis, quelle est l'intention et le symbolique et qu'est-ce que... Enfin, ça m'a beaucoup touchée en même temps, tu vois. Qu'est-ce que... J'ai récemment fait une exposition de peinture. Quand je fais un portrait, une commande de sculpture, pour moi c'est un peu fatigant. Faire le portrait d'un personnage est un peu fatigant. Et puis quand je le termine, il me reste du temps et je me consacre à la peinture. Mais je ne fais pas de figuratif. Je fais, disons, comme des tâches, comme des abstractions. Je dis même que le droit à la contemplation nous a été volé. Alors je me bats contre moi-même aussi, au milieu de ce désastre, pour trouver des petits espaces, pour essayer de trouver le côté plus amusant, un peu esthétique, un peu ludique, un peu intime, un peu frais, comme pour essayer de m'échapper un peu, de prendre une bouffée d'air face à tout ça. Puis je fais ces gravures. Elles fonctionnent comme des petites pauses au milieu des blocs thématiques de lutte. Je fais un bloc thématique, une pause, un bloc thématique, une pause. Mais il s'agissait d'une seule exposition qui s'appelait 15 gravures et un café. C'était une exposition qui n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'est comme les mélanger. Ce sont des petits moments de repos et aussi, non pas d'évasion, mais plutôt le droit à la contemplation et le droit de profiter des choses. Et donc je pense qu'au Mexique, tout le monde, au milieu de tout cela, doit avoir ces petits moments qui servent à se reposer et à devoir ensuite faire face à la réalité. C'est pourquoi ces gravures existent. Non, merci de votre intérêt, merci pour l'interview, et merci de nous aider à faire connaître la situation dans le pays, c'est très important pour nous. Alors, merci. Génial. 6.3 FPP, on va faire une petite pause musicale. Merci pour cet entretien avec Alfredo López Casanova, cet artiste, graveur, sculpteur mexicain qui nous a fait l'honneur d'être avec nous à Montreuil fin mai. Et donc merci aux copains et aux copines qui ont pu faire cet entretien et le partager avec vous. On continuera avec la lutte toujours. Et donc le projet Agones, contre lequel il faut résister, se mobiliser. Et donc on aura une copine qui fait partie du collectif qui va pouvoir partager... peut-être d'abord nous informer, parce qu'on sait, comme tout un tas de projets qui sont effectivement destructeurs, que c'est voué à enrichir toujours les mêmes et à détruire toujours les petits, etc. Mais après, du coup, c'est intéressant quand même d'avoir des petits détails. Et donc, on va pouvoir passer à cette autre thématique sur Gonesse d'ici peu, après la pause musicale. On vous rappelle donc qu'on est ensemble en direct jusqu'à 20h30. Et vous pouvez donc nous rejoindre, le CSPCL, puisque c'est un programme proposé par le CSPCL, Jungle des Luttes, tous les premiers, troisième, cinquième mercredis du mois à 20h30 dans les locaux de la CNT au 33 rue des Vignoles, dans le 20e à Paris, 20h30, assemblée ouverte. On y parle des luttes ici, là-bas et partout, en bas, à gauche. La lucha sigue, musique. Ernesto tiene 40 años, trabaja de peón en un negocio de autos, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado, oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. A mi hermana, se llama Altagracia, igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela, llevaba puesto jeans y una camisa blanca, no ha sido el novio,

aux alentours de Paris, et ça va loin, et donc de Saclay à Gonesse, justement. Là, on va être à Gonesse avec une copine qui participe au collectif et donc qui va partager avec nous tout ça. Merci. À toi. Bonsoir. Alors oui, effectivement, je fais partie du CPTG, c'est le collectif pour les terres de Gonesse. Depuis pas très longtemps, en fait, j'ai rejoint le collectif parce que la vie m'a permis d'avoir un petit peu plus de temps, et ça fait longtemps que je m'intéresse à ce qui se passe à Gonesse, parce que c'est pas très très loin de chez moi. Mais là, je suis un petit peu plus investie dans cette lutte depuis quelques mois. Voilà. Donc, le triangle de Gonesse, on va rappeler le contexte, la situation. C'est un territoire qui s'étend sur 670 hectares. C'est bordé par l'autoroute A1 et c'est situé entre les aéroports du Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est un territoire stratégique, assez urbanisé autour, mais ce triangle, donc 670 hectares, c'est quand même assez grand. Quand on est sur place, c'est très impressionnant. Ces champs qui s'étendent, pas à perte de vue, mais quand même, c'est très très grand. Pas loin. zone agricole, donc c'est surtout une zone agricole, très fertile, parce que les sols sont constitué d'une grande, très épaisse couche de limon de 4 à 6 mètres qui a été constituée pendant des milliers et des milliers d'années. Donc ça a toujours été un lieu de culture. On appelait même ça le grenier à blé à l'époque de toute la région. Le pain de Gonesse était célèbre à une époque. Donc c'est des champs aujourd'hui qui sont menacés de destruction, d'artificialisation des sols, dans le cadre notamment du projet du Grand Paris, avec la construction du réseau Grand Paris Express, qui comprend la ligne 17, les deux lignes de métro notamment, la ligne 17 au nord, donc celle qui menace les terres de Gonesse, et puis la ligne 18 au sud, qui menace les terres de Saclay. Donc ces deux luttes qui sont très proches, du fait du contexte politique, bien sûr, des décisions politiques, puisque c'est dans le même cadre, et puis très proche aussi dans leurs conséquences, bien sûr, désastreuses d'un point de vue environnemental, économique et même social. Surtout humain à la fin. Et humain, donc. Donc ce Grand Paris Express a été lancé, les débuts de la conception du Grand Paris Express, c'est début 2000. Le lancement du projet, réellement, c'est 2006. Au départ, à cette époque-là, il y avait dans cette zone un grand projet de méga complexe qui s'appelle Europa City, que vous devez connaître parce que ça avait, il y a assez forte mobilisation à l'époque contre ce projet, donc de gros complexes, centres commerciaux et puis zones de loisirs avec notamment pistes de ski artificielles. Total en plein champ, justement. C'était un peu le... Justement, la gare en plein champ où il n'y avait rien. Et... Voilà, donc justement, exactement, cette gare en plein champ, elle était destinée au départ à desservir ce méga complexe d'Europa City, ainsi que aussi le terminal 4 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc deux gros projets qui ont tous les deux été abandonnés, capoté, puisque ouais. Europa City, l'annonce de l'abandon du projet officiel d'Europa City, c'était en novembre 2019. Annonce faite par Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, et aujourd'hui première ministre. Donc elle connaît très très bien le dossier qu'elle a encore aujourd'hui sur son bureau. Donc depuis cette annonce de ces deux retraits de projet, on aurait pu imaginer que la ligne 17 allait être remise en cause, voire au moins son trajet réétudié, mais pas du tout. Il se trouve que le projet est maintenu, avec bien sûr des arguments assez fallacieux. On pourra en parler plus en détail après. pour l'instant, en tout cas, les politiques au pouvoir confirment le projet de gare en plein champ, donc, et avec une zone d'activité prévue autour. Et bien évidemment, si on construit une gare en plein champ, c'est pour urbaniser autour. Donc le tracé actuel va jusque le tracé projeté actuel va jusqu'à au village du Ménil-Amelot qui compte aujourd'hui 1500 habitants. Voilà, donc la croissance démographique en Île-de-France a une évolution bien différente de celle qui était prévue à l'époque où tout ce projet a été conçu. Il faudrait aujourd'hui, par exemple, que la démographie des 10 prochaines années soit identique à celle des 50 dernières années, ce qui n'est pas très envisageable. Merci. Voilà, donc la lutte aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut revoir évidemment le tracé de la ligne 17, l'arrêter sans doute à l'aéroport du Bourget, de sorte à préserver les terres qui s'étendent derrière, les terres agricoles de ce triangle de Gonesse. Et parce que donc du coup, si on regarde de près... Alors, si on regarde de près, bah, évidemment, ce projet aurait des conséquences assez désastreuses. Bien évidemment, tout d'abord, d'un point de vue écologique, puisque, bah, et là, alors aujourd'hui, on se rend bien compte cette semaine, hein, un exemple flagrant des exemples d'épisodes caniculaires qui peuvent nous toucher. Donc, les terres de Gonesse, du fait de leur étendue, bien évidemment, ça forme des îlots de fraîcheur, même si ce sont des champs principalement... De grande extension. Ça permet quand même de réduire les températures. On estime par exemple des différences de 2 degrés minimum, voire même plus parfois entre les zones urbanisées et les zones cultivées sur le site même. Et puis également, c'est des terres, comme je le disais tout à l'heure, c'est des terres limoneuses. Donc en fait, elles stockent l'eau. Donc les plantes peuvent, en cas de forte chaleur, peuvent quand même trouver résister, de l'eau, ouais, dans ces terrains. Et c'est des cultures qui, sur cette zone-là, ne nécessitent très peu d'arrosage, voire même pas du tout. Donc c'est quand même des avantages énormes. Dans les contextes actuels où on essaye de préserver, où toutes ces questions sont extrêmement... Bien évidemment, sous le feu des projecteurs, on pourrait dire. Ce serait vraiment absurde de détruire ces terres-là dans ces conditions-là. En plus, bien sûr, le projet est vendu comme un facteur de protection de l'environnement et de lutte contre les crises environnementales, alors que, en fait, ça n'induirait ni réduction de trafic routier... évidemment, ça serait un facteur d'étalement urbain, puisqu'il faudrait bien sûr rentabiliser ces transports et donc construire autour. En même temps, on ne peut pas construire de logements parce que c'est justement des zones qui sont situées sous les aéroports, enfin sous les trajets des avions de l'aéroport. Donc là aujourd'hui, par exemple, c'est nocif. L'argument aujourd'hui en faveur de la construction de la ligne 17, c'est, enfin, du coup, du fait des abandons des projets précédents, aujourd'hui, il y a par exemple un projet de construction de lycée qui ne pourrait pas, en fait, être construit là, puisque ce n'est pas des terrains, du fait de leur situation dans l'agglomération, qui sont pas, sur lesquels on ne peut pas mettre d'activité de ce type. Les ondes, la pollution, des avions, le niveau sonore. Le niveau sonore aussi. Exactement. Puis ça pose d'autres problèmes de pollution, comme par exemple le traitement des déblais, hein, qui est un vrai problème, surtout dans tout le cadre du projet du Grand Paris. Parce que c'est des millions et des mètres cubes, c'est 45 millions de tonnes de déblais qui sont prévues dans le cadre du Grand Paris Express. Donc bien évidemment, la Société du Grand Paris communique sur un traitement innovant des déchets, avec une gestion... numérisé, qui garantirait la rigueur et la traçabilité des déchets, mais... Sachant qu'en plus, ça, c'est pas des déchets. Parce qu'on parle de déchets nucléaires, mais en vérité, ce serait de la terre fertile qu'on jetterait aussi pour pouvoir construire. Enfin, parce que du coup... Ouais, mais... Ouais, enfin, parce que du coup... Mais là, les terres sont aussi... alors, il y a les terres des champs, mais il y a aussi, dans le cadre... Là, je parlais d'une façon plus générale, hein, les 45 millions de tonnes, c'est pas que les champs du Triangle de Grès, c'est tout le réseau prévu dans le cadre du Grand Paris Express. Donc, c'est la N17, la N18, et puis d'autres aussi, aménagements de tramway, etc. Donc, parfois, il y a quand même des terres polluées qui sont déversées, des fois, sur des territoires justement agricoles, comme par exemple ça a été le cas à Fleury-Mérogis ou à Angervilliers. Enfin, il y a certains épandages comme ça qui ont été pu être stoppés dans d'autres communes. Il y a un collectif qui s'appelle la Brigade écologique, par exemple, qui a recensé 70 sites de dépôts sauvages de déchets du chantier du Grand Paris au jour d'aujourd'hui déjà. Donc, ça ne ferait que se multiplier. Petite pause. On fait une petite pause musicale pour continuer à détailler ce qu'il en est sur les terres du Triangle de Gonesse. Et donc, à vous les filles, musique. Está todo ok. Rebecca Lane. Rebecca Lane. Miss Bolivia con Ali Guagua. Velo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia y exorcizando el mal. Yo, yo. Que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Me dicen guaguis, represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete un periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo, somos brujas y malvadas. La jungle des luttes. On continue, programme proposé par le CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, tous les troisièmes lundis du mois en direct et retransmis le jeudi, de 4e jeudi, de 8h à 9h30. On est avec le Triangle de Gonesse, ce fameux projet contre lequel lutte collective depuis des années. On a eu l'occasion de les rencontrer quand il y avait le Forum des grands projets inutiles à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs. Voilà, il y a Saclay, on l'a évoqué tout à l'heure, et donc il y a le Triangle de Gonesse. Et donc aujourd'hui, on essaye de détailler un petit peu ce qu'il en est de ces fameuses terres fertiles qui sont vouées à être détruites par différents projets et qui s'articulent autour d'une ligne de métro numéro 17. C'est ça ? C'est ça. Et donc, on reprend, on en était... Bah donc voilà, du coup, on a un peu parlé du fait que c'était des terres fertiles, qu'il y avait un certain nombre de déchets que génèrent tous ces grands projets. Évidemment, une lutte depuis plusieurs années avec donc l'abandon d'un certain nombre de projets comme l'Europarc, etc. Et cette fameuse gare en plein champ qui n'avait pas de sens, mais auquel ils essayent de donner une nouvelle vie, toujours et encore, jamais rien lâcher. Ils lâchent rien, mais nous non plus. Et on continue. À toi, merci d'être là. Ben oui, c'est vrai qu'il y a des justificatifs aujourd'hui qui sont assez, assez incroyables. On parle même, il est même question aujourd'hui, enfin je pourrais revenir après dans les développements un peu juridiques, mais aujourd'hui il est dit que la ligne 17 serait utile dans le cadre des Jeux Olympiques par exemple, alors que jamais elle pourra être construite à temps pour les Jeux Olympiques en 2024. 2024, donc, c'est ça, c'est voilà. Demain mais déjà. Mais pourtant, c'est un argument rendu par la cour d'appel, la cour administrative d'appel de Versailles ou de Paris, je ne sais plus très bien, j'avoue, parce que les deux se renvoient la balle. C'est Versailles qui a renvoyé sur Paris et qui a conclu que c'était parce que, justement, c'était Paris 2024. Ça concernerait soi-disant les Jeux Olympiques, alors que c'est évidemment complètement hors cadre de ce projet de Jeux Olympiques, qui est une autre lutte, hein, bien sûr. Je salue au passage les copains de Saccage 2024 que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc concernant Gonesse, je reviens sur ces conséquences désastreuses de ce projet. On a un peu parlé des conséquences écologiques, de ces terres qui favorisent les îlots de fraîcheur, des éponges à eau, qui peuvent absorber les gaz à effet de serre, qui peuvent même devenir même des pièges à carbone parce qu'elles contiennent beaucoup de matières organiques. Donc toutes ces questions écologiques dont on parle aujourd'hui en disant qu'il faut trouver des moyens pour lutter contre, et ben ces moyens sont déjà là, ils existent. Donc avant d'aller en trouver d'autres, en construire d'autres artificiels, déjà protégeons ceux qui existent naturellement. Ce serait déjà pas mal. Les conséquences, elles sont... Enfin, ces questions-là, elles peuvent aussi être largement reliées à la question de la sécurité alimentaire et à l'autonomie alimentaire sur un territoire. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, donc ce sont des terres très fertiles. Emmanuel Macron lui-même a dit il n'y a pas si longtemps, en décembre 2021, la sécurité alimentaire n'est pas un mythe, elle est un impératif. Donc effectivement, on est tous d'accord et on le voit bien dans les cadres, dans le contexte géopolitique COVID, actuel, hein, entre la pandémie, l'Ukraine, tout nous montre qu'effectivement, il faut essayer de moins importer de produits et de les produire plus localement. Donc ces terres de Gonesse qui sont extrêmement fertiles, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner, constitue une vraie source de ressources alimentaires, en plus d'être évidemment des emplois dans tous ces, donc des cultivateurs, mais aussi de toutes les filières qui en découlent. Et puis dans le cadre d'une loi aussi, hein, qui aujourd'hui demande à ce que les équipements publics, comme par exemple les cantines scolaires ou les hôpitaux ou les EHPAD, fournissent un certain nombre de produits locaux et cultivés bio ou en tout cas de manière raisonnée, éthique, etc. Eh bien, le fait d'avoir cette production juste à côté de zones urbaines, bien évidemment, ça fonctionne très bien. Il y a des études qui montrent qu'on pourrait à l'horizon 2050, avoir 80% de... Non, aujourd'hui, pardon, on a 80% de produits importés alimentaires, quoi, sur la région parisienne, mais qu'on pourrait relocaliser l'approvisionnement alimentaire de l'Île-de-France très largement, peut-être évidemment pas en totalité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire pousser chez nous, mais en tout cas, très très largement par rapport à la proportion actuelle entre produits importés et produits locaux. Et notamment en développant, par exemple, aussi sur ces terres-là, du maraîchage, puisque aujourd'hui, les champs, ce n'est pas des petites cultures, hein, ce n'est pas des petites exploitations. C'est d'abord parce que les gens qui étaient là sont sous la menace d'expulsion permanente depuis des dizaines d'années maintenant, enfin au moins deux dizaines d'années. Et que donc du coup c'est même une partie des terres est louée, enfin c'est plutôt des grosses exploitations qui sont là, mais sauver ces terres là et développer, c'est souvent le cas de toute façon en région parisienne, Seine-et-Marne etc, c'était quand même des grands agriculteurs, des grands terrains, mais du coup cette chance de si ces terres étaient préserver, il y avait une forte décision politique forte de préserver ces terres, ça encouragerait également le développement justement de d'autres modes de culture. Ouais, on peut décider autre chose, bien sûr. Ouais. En circuit avec des cultures plus respectueuses, des modes de production plus respectueux de l'environnement et qui c'est gagnant-gagnant en fait, hein, la décision politique de préserver ces terres de Gonesse. Donc voilà, sur la sécurité alimentaire, c'est vraiment un débat aujourd'hui dont on entend beaucoup parler, dont on parle depuis longtemps, mais qui refait beaucoup, enfin qui est très présent aujourd'hui dans les médias et partout, et qui montre l'absurdité de vouloir à tout prix maintenir ce projet de ligne 17 et de gare en plein champ. Alors que y a bien d'autres choses à faire et bien d'autres avantages à garder ces terres-là. Sur la gare en plein champ, d'ailleurs, je vais juste donner quelques petites informations pour bien montrer pourquoi cette gare est complètement inutile. Là, aujourd'hui, le projet de la gare, tel qu'il est implanté, elle se situerait à 4 km du centre-ville de Gonesse et à 1,7 km des premières habitations. Donc voilà, ça veut tout dire. Qui serait développée autour. Ah, de toute façon, si la gare est construite, ça voudra dire urbanisation, parce que personne ne va traverser 1,7 km et demi de champ pour aller juste prendre un métro qui, en plus, les conduirait, cette ligne 17, alors soit à Charles de Gaulle, mais qui est déjà reliée depuis le centre-ville de Gonesse par un bus qui amène à l'aéroport en 30 minutes, ou de l'autre côté, vers Saint-Denis et puis au-delà, bien sûr, vers Paris, mais qui est aussi déjà relié par le RERD. Donc ce que les habitants demandent aujourd'hui, ce que le collectif soutient avec d'autres associations, c'est de plutôt rénover ce transport RERD-RERB. Le RERD, on sait bien qu'il y a souvent des incidents, des retards. C'est un réseau qui est vétuste, qui est peu entretenu. Et donc, les millions d'euros, je vais pouvoir donner quelques chiffres après plus précis, mais tout l'argent qui est prévu pour ces nouvelles lignes, une partie, en tout cas, une partie de cet argent-là suffirait à rénover le RERD et les réseaux existants actuellement, de sorte à ce que ça fonctionne bien. Absolument, assurer le confort de tous. Alors, puisqu'on parle de chiffres, le Grand Paris Express, c'est quand même 42 milliards d'euros, ce qui est énorme. C'est exorbitant à l'échelle de la région, mais même à l'échelle nationale. Hein, ça représente... 7 fois le budget de la région Île-de-France, 4/5 des dépenses prévues pour toutes les mobilités en France, un investissement, 5 fois l'investissement prévu sur 10 ans pour rénover justement tout le réseau ferré francilien existant. Donc 5 fois l'investissement sur 10 ans, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'on pourrait rénover 5 fois pendant 10 ans, sur 10 ans, rénover 5 fois tout ce qui existe déjà, quoi, en termes d'euros. Du coup, ça aggraverait bien évidemment la dette publique, parce que tout ça fonctionne sur des crédits. Donc tous les rapports, les audits, que ce soit la commission des finances du Sénat, la Cour des comptes, les experts, tout le monde a déjà Enfin, il y a déjà eu de nombreux rapports hein, qui disent que cette ligne, ces lignes 17 et 18 ne seraient absolument pas rentables et que c'est l'endettement public, risque de dette même perpétuelle selon un rapport de la Cour des comptes de 2017. Ah bah, la ligne 17 et la gare en plein champ. Et du coup, alors, comment on peut faire pour se mobiliser éventuellement pour les personnes qui voudraient appuyer cette lutte et donc combattre ce projet ? Alors, il y a eu, il y a évidemment plusieurs recours juridiques qui sont en cours. Hein. Là, je ne peux peut-être pas rentrer dans les détails maintenant. Il y a une pétition qui a été signée, qui a recueilli plus de 1000 signatures en 2 week-ends seulement, qui va être remise à Madame Borne, donc Premier ministre, prochainement. Il y a la demande d'un audit de la Cour des comptes pour absolument demander la révision du tracé des lignes 17 et 18. Donc ça, c'est les actions qui sont lancées d'un point de vue juridique. Ensuite, on peut... Bon, c'est des actions qui coûtent cher. Hein, lancer des actions juridiques, ça représente évidemment des coûts financiers pour les collectifs qui les portent. Donc le CPTG n'est pas tout seul à faire ça. Il y a d'autres associations qui ont engagé avec le CPTG ces recours juridiques, comme par exemple France Nature Environnement ou le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement ou les Amis de la Terre et d'autres. Concrètement, aujourd'hui, si on veut rejoindre la lutte, il y a des rendez-vous mensuels sur le Triangle. Donc avant, à une époque, il y a eu une petite ZAD, une ZAD, ZAD Agonès. C'était pour le côté affectif. Voilà, c'était parce que c'était... On aime bien les ZAD. Donc c'était les ZAD dimanche à l'époque, quand ça avait lieu. Et puis la ZAD a été expulsée. Elle a tenu quelques semaines, mois peut-être. Je n'y étais pas encore à cette époque-là. Et donc aujourd'hui, en mai, là, il y a eu un retour sur le triangle. Ça a duré plusieurs mois, ouais. Il y a eu, le 8 mai, une journée de retour sur le triangle. Et à partir de maintenant, ce sera tous les derniers dimanches de chaque mois. Donc, nouveau rendez-vous mensuel. Pour tout le monde. Tout le monde a le temps de se préparer justement pour le dernier dimanche. C'est ça. Donc là, le prochain, c'est très bientôt puisque c'est ce dimanche 26 juin. Donc là, ça va être... Le rendez-vous est à 11h à la Patte d'Oie de Gonesse. Il y a un départ prévu vers 11h30 pour, en direction du chemin agricole. On t'imagine quand on est sur place. Mais voilà, rendez-vous à 11h. Ensuite, à 12h30, à midi et demi, donc petit pique-nique apporté par chacun. Bien sûr, hein, c'est participatif. Pendant ce temps-là, pendant le pique-nique, il y aura des prises de parole. Et puis, à partir de 14h, il y aura un lancer de boules de graines pour revégétaliser. Parce que quand on va là, en ce moment, sur le terrain, en fait, il y a un premier chantier qui a commencé, qui est le chantier du tunnel. Pas encore de la gare, mais du tunnel de la ligne. Donc, quand on arrive à Gonesse, c'est très, très impressionnant parce que sur cette grande étendue de champs, il y a un immense tas de terre végétalisée, creuse de tunnel. Et donc, on va lancer quelques petites graines pour fleurir tout ça en attendant de gagner cette lutte contre la gare en plein champ qu'on va gagner, n'est-ce pas ? Puisqu'il est impossible de garder de maintenir ce projet climaticide et scandaleux d'un point de vue financier et écologique. Merci. On va faire la petite pause musicale et on retourne avec d'autres projets, d'autres luttes tout de suite. Merci musique FPP 106.3, la jungle des luttes. Merci. J'ai pas parlé de vous. Oh, 106.3, la jungle des luttes. On continue avec une copine de Stop EDF. Et on vous rappelle, pour ceux qui avaient oublié, là, le prochain dimanche, 26 juin, c'est rencontre au Triangle de Gonesse. Là. On lâche rien. En plus, il y a les nouveaux changements de figures politiques. C'est le moment de leur mettre la pression. On continue toujours, on lâche rien. Stop EDF, ils n'ont rien lâché. Ils ont eu quelques petits acquis, mais on lâche rien parce qu'il y a toujours des choses qui se passent encore et encore. À toi, merci d'être là avec nous. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Et du coup, bah oui, Stop EDF Mexique, pour rappel, bah, c'est ce collectif. Ce n'est pas la première fois qu'on vient vous parler dans ce programme de radio, mais on est un collectif qui s'est formé il y a peu de temps, en 2020, et pour en fait relayer la voix des peuples zapotèques notamment, qui au Mexique, donc qui viennent de cette région du Mexique qui s'appelle l'isthme de Tehuantepec, voilà, dans l'État de Oaxaca, où en fait, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Eh ben, il y a un certain nombre de multinationales, dont EDF, qui s'y installent parce que c'est une région très venteuse et donc qui installent des parcs éoliens industriels, à plus savoir qu'en faire et qui et pour principal objet problématique, en fait, c'est qu'ils les installent sur des terres communales. Voilà, des terres communales des peuples autochtones là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce collectif pour relayer la voix des peuples en lutte contre ces projets qu'ils qualifient de colonialisme énergétique. EDF avait pour projet donc d'installer un quatrième, parce qu'il y en a déjà trois, un quatrième parc éolien dans cette région-là, sur la commune d'Union Hidalgo. Et donc depuis 2017, bah, l'assemblée des comuneros et comunaras, ces personnes qui donc cultivent la terre en commun là-bas, et ben se mobilisent contre ce quatrième projet. Et du coup, ce soir, je suis là parce qu'il y a eu une très belle nouvelle qui vient de tomber. Après donc, plus de 5 ans de résistance contre ce projet-là, début juin, on a l'annonce que ce projet est finalement abandonné ou plus formellement annulé. Et donc, pour quelles raisons ? Et ben, parce que la CFE, la Commission fédérale de l'électricité au Mexique, a annulé en fait deux des contrats qu'elle avait avec EDF, un contrat de couverture électrique et un contrat d'interconnexion. Et voilà, c'était les contrats en fait qui étaient censés permettre, par le biais d'une ligne de transmission électrique, pouvoir transmettre l'électricité qui aurait été produite par EDF. Donc de fait, le fait d'annuler ces contrats-là, ça l'empêche de mener à bien ce projet. Et donc, ça rend non faisable donc, oui, ce parc, puisque de toute façon, il y avait besoin de ces contrats pour connecter en fait, le potentiel projet au réseau électrique mexicain. Donc voilà, grâce à ça, le projet a été annulé. Et donc, c'est une annonce aussi qui a pour conséquence que le processus de consultation donc, avec les peuples indigènes qui avait été mis en place, qu'on avait aussi dénoncé parce qu'il avait été mis en place de façon vraiment problématique et voilà, respectait pas les droits des communautés. C'était une vraie farce, ce processus de consultation pour en fait légitimer le projet et en fait acheter l'acceptation sociale pour ce projet. Donc du coup, pour reprendre, donc ce processus de consultation, grâce à l'annulation de ces contrats, il est aussi annulé, quoi. Il n'a plus de matière. Donc voilà, et donc tout ça, en fait, l'annulation de ces contrats par la CFE, c'est donc suite à une demande en avril dernier par la communauté, appuyée par cette association Prodesk. Voilà, et donc grâce à cette demande-là, tout a été annulé. Et donc il faut bien rappeler que toute cette décision-là et tout ce processus, ça s'inscrit aussi dans un contexte au Mexique qui est que... En fait, depuis un an, on a un débat autour d'une réforme que porte le gouvernement actuel de López Obrador, de AMLO. Voilà, une réforme du système électrique, puisque face au poids qu'avaient pris les entreprises privées donc dans la génération d'électricité au Mexique, voilà, le président voulait que ça change et rétablir en fait l'équilibre entre l'énergie produite par le public et l'énergie produite par le privé, puisque depuis quelques temps déjà, un certain nombre de multinationales investissaient ce champ au Mexique et donc s'appropriaient tout ça et privatisaient en fait l'électricité. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc c'est par donc cette volonté de freiner des nouveaux projets privés portés par les multinationales étrangères. Cette volonté de freiner ces nouveaux projets privés portés par des multinationales étrangères, en fait, elle continue malgré le fait que cette réforme-là que portait le président, elle n'a finalement pas pu passer il y a quelques mois. Elle a été refusée au Parlement, mais donc cette volonté-là de bloquer ces multinationales privées perdure. Donc voilà, pour tout ça pour dire que donc la résistance des peuples a abouti et donc accéléré. Yes, voilà, quand même, il faut résister et on peut gagner. Et donc voilà, donc la résistance a abouti, accélérée donc par ce contexte politique et la posture du gouvernement actuel. Mais du coup, on peut faire aussi, enfin, c'est pas parce que là on a gagné que sur ce projet-là que la lutte ne continue pas. Elle continue évidemment, puisque dans l'ISME, il y a environ 28 parcs éoliens et des projets encore à n'en plus savoir qu'en faire. Il y a environ 8 autres projets de parcs. Donc, à voir si de la même façon, ceux-là, ils vont pouvoir être stoppés grâce à la volonté du gouvernement d'éviter que les entreprises étrangères continuent à prendre du terrain, quoi. Mais par contre, le gouvernement lui-même, il a lui aussi des méga-projets destructeurs en cours. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer de rester mobilisé. Et on pense surtout au fameux couloir transocéanique, ce canal sec qui relierait donc, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et donc, ce projet, c'est un projet vraiment très vieux qui est dans les cartons. Qui s'appelait Canal Puebla-Panama aussi. Ça voilà, a été un peu. Qui est dans les cartons depuis un bon moment. Et donc là, ils veulent raviver. Et donc, ça va vite, quoi. Et donc, ça consisterait notamment, il y aurait un train et surtout plein de parcs industriels, environ une dizaine. Voilà. Et donc, bien sûr qu'un tel couloir, ça va amener à des besoins en électricité. Et donc, on n'est pas du tout à l'abri que. Il y a à nouveau plein de projets qui émergent dans l'ISME liés à tout ça pour approvisionner toute cette infrastructure en électricité. Voilà, donc nous, en tant que Stop EDF Mexique, on continue à rester mobilisés. On va continuer à relayer la voix des peuples là-bas en lutte contre ces projets destructeurs. Et surtout, on peut aussi dire qu'il y a un camarade de l'ISME qui va venir fin septembre, notamment en France, pas que, en Italie, en Espagne, donc faire une petite tournée pour parler de ce couloir transocéanique, en sachant qu'on ne sait pas encore en termes d'entreprises françaises s'il y a une présence, mais en tout cas, il y a d'autres entreprises européennes qui font partie de ce projet-là. Donc voilà, à bientôt pour continuer de parler de cette lutte-là liée à l'ISME. Donc on vous informera justement de la venue de ce copain au mois de septembre, on aura l'occasion. Et donc pour ceux qui veulent noter pour Gonesse, puisque c'est les derniers dimanches du mois, ça veut dire que le prochain ce sera aussi, si vous ratez celui de 26 juin, c'est 31 juillet, 28 août et 25 septembre. Nous, on a aussi quand même un truc super important. C'est le 29 juin. Il me semble qu'on a quand même un petit événement organisé par le CSPSL notamment. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir une expo. Ouais, et puis je crois que l'idée c'est d'avoir une expo et qu'il y a deux camarades qui sont allés au Mexique il y a très peu de temps qui vont pouvoir nous faire un retour un peu sur leur expérience et nous parler de un certain nombre de sujets, la défense des territoires, la lutte des femmes là-bas au Mexique, au Chiapas, tout plein de choses. Donc rendez-vous le 20. Voilà, Au 33 rue des Vignoles. Voilà, à la CNT. Et alors, du coup, je crois que bien que l'appel est à 19h. Voilà. Hein, donc, le 29 juin à 19h. C'est ça, rendez-vous mercredi prochain pour ceux qui veulent. La Lucha Sigue. Donc, vous n'oubliez pas que nous, le CSPCL, on a un site. cspcl.ouvaton.org. Vous pouvez donc trouver un certain nombre d'informations. Vous pouvez trouver des déclarations des apatistes, mais pas seulement évidemment, mais du CNI, le Congrès national indigène, des peuples que vous avez pu rencontrer pour ceux qui donc se rappellent ou ont vécu l'année dernière ces voyages apatistes. En fait, justement, aujourd'hui, l'arrivée il y a un an de l'Esquadron à Vigo. C'était il y a un an, on était comme des dingues sur le rocher, en train de crier et de voir l'escadron sur son barco. Et donc, c'était quand même un moment super émouvant. On les remercie de nous avoir fait vivre cela. Ensuite, comme l'ont commenté certains, il y a eu le voyage pour la vie. On a pas mal ramé. Ça a montré comment on est encore peut-être pas du tout capable. Et capable de s'organiser. Mais ça nous a donné quand même beaucoup d'émotions. Et en tous les cas, pour ceux qui ont bien reçu le message, dès qu'on passe, on continue, on résiste. Merci. Chaito, FPP 106.3, la jungle des luttes. Salut. Campesinos y